Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Beaucoup de bonne musique en téléchargement gratuit. Ce soir, c'est particulièrement éclectique. On a toutes sortes de trucs. J'ai un peu de jazz de la République tchèque. J'ai du rap palestinien. Toutes sortes de trucs électro assez flyés. Donc, c'est ça, une émission, ça part dans tous les sens ce soir. J'espère qu'il va y avoir une petite cohérence au travers de tout ça. Sinon, ben c'est pas grave, on s'en fout. Donc, si les pièces vous intéressent, rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc consulter la playlist de l'émission et télécharger absolument tout ce que vous entendez. On va débuter l'émission avec un artiste que j'adore, c'est Evie Paul Weinstein. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti quelque chose, donc je vous fais écouter plutôt sa pièce Inspired, c'est Option 2, c'est la deuxième pièce de son album. Ensuite de ça, sur l'étiquette italienne Sostanz Records, une étiquette vraiment active, surtout de ce temps-ci, ils viennent de fêter, je crois, leur 50e publication. On va entendre une pièce de DJ Galessio, c'est un Italien, je vous fais entendre sa pièce Clown, c'est sur son album Cirque de Poche. Donc on débute avec Evie Paul Weinstein. Suffocate while I demonstrate. C'était DJ Galessio, donc un artiste italien qui déconne quand même passablement. Si vous écoutez plusieurs de ses albums, vous allez voir que c'est des styles complètement différents. À chaque fois, il s'amuse toujours. C'était sa pièce clown sur son album Cirque de Poche sur l'étiquette Sostanz Records. Avant ça, de la ville de Watertown au Massachusetts, c'était Evie Paul Weinstein avec sa pièce Inspired Option 2. On poursuit avec un artiste du Minnesota du nom de Crackzilla. Je vous fais entendre sa pièce de Crooked Tree. C'est publié sur l'étiquette Vatican Records. Vous remarquerez qu'il y a une petite fable de Tom Waits en début de la pièce. Donc, un petit échantillonnage, petite fable assez sympathique. Ensuite de ça, c'est Boycott, un artiste de Ramallah en Palestine, un peu de rap, donc vraiment intéressant. J'ai acheté son album aujourd'hui. Vous pouvez aussi télécharger les pièces gratuitement sur SoundCloud. La pièce s'intitule Afol Tenakuri, donc vraiment excellent. On écoute tout de suite Crackzilla. Once upon a time, there was a crooked tree and a straight tree, and they grew next to each other. And every day, the straight tree would look at the crooked tree and he would say, "You're crooked. You've always been crooked and you'll continue to be crooked. But look at me," said the straight tree. He said, "I'm tall and I'm straight." And then one day the lumberjacks came into the forest, looked around. And the manager in charge said, "Cut all the straight trees." And that crooked tree is still there to this day, growing strong, growing strange. We'll be right back. الدين صراحي نحبس التلوين تلوين فلسطين مع شمالك مع عليا دومين طلق مطاط بتشوف اعلام طلق خطاط بتشوف اجوال اخضر احمر اصفر للنظام بتشوف عوام عوام بتمر خطابات بتمام ممثلين بتشوط خل والشعب حر بالمظاهرات كل واحد عالم شقر صورني منيح فرقي بخد لي منصب وبترقى ترفع الرايه للدعايه بعد توصايه من التسلايه يلا شعارات وهدفات على الدايره اعلام مسؤوليه عن عمليه ما نشخص فيها الجزيره معك وضدك يا بتطويها يا بتطويها هل الهدوء يسبق العاصفه يا امتليها خيرين عن نفس الكبس حلوه هي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بالصودع قبل الفرار ضد المظاهره بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشنكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا خشب مو مبين فلان افتح خط نفذ مع 140 حرف تثبت انك للقضيه مش جاف من مثلث برمودا لدوار المناره تقسيم في كل حاره حطوا خليه بوزير في وزاره حكوا وين على رام الله كانوا متنفين للمستقبل عدد السنين اخر النمره 99 يهبل هاي اجت الدوريه السلطه الصهيونيه هاي اجت الدوريه سمو محسومه بحاجز بس هي هاي اجت الدوريه السلطه الصهيونيه هاي اجت الدوريه سمو محسومه بحاجز بس هي اسمع تشدد الشعب صار ليبرالي تردد يتقبل حكم انتقالي تشدد تقسيم فدرالي شرق اوسط جديد قلع دكتاتور وتقبل اعتذاري طيارة استطلاع وطبع عاكس على الغيم بني على الارض وصاب بالغثيان زي ابو الغيم دوريات مشتركة معيقة الحركة بس مين بالسرج يفتح تمه كله الخيم وفركة الحكي ببلاش بيقولوا ما في عليه الضريبة اساليب للتحرير من نوعها الفريدة مصطلحات مصطلعة حساب مخترق مجلس طلب تصور طويل عن ابو الفرق عدم مانع عن مناعة دول مانعة في البيك اب السماعة بيسكروا بوابة الجامعة فلسطين تنطرد مستعمرة تقترب بتجميد البناء تشطرت ولكن الرجلين تنفرد كلمة واحدة كلمتين بس كلمة مين اللي بتمشي سموه سيد الموقف ايش داعي تكشف للدريش طموحاتهم على الكورة بتقسيم السودان للسيطرة على تورا بورا بدك تاخد محلي او مستورة برجوازية بالساحة ريحة الياسمين بشارع اخر زمن فاحة في ليلة ما فيها ضوء قمر بس نور اللوحة حد على السقف الهمر شفنا الخبر بيت انخمر الاخ انجبر يدفع حق الهدم وفرم الله سمعوا الخبر هاي اجت الدورية السلطة الصهيونية هاي اجت الدورية سمو محسومة بحاجز بس هي هاي اجت الدورية السلطة الصهيونية هاي اجت الدورية سمو محسومة بحاجز بس هي اسمع عنده حراسة عشان لو عارف من المفروض ينطق حكم وراثي بدل وجرافي بتيجي جرافي لاخي ماخ عيلة طنخ طخ بيت بنها غزة طنخ صف اذا كل هاد مش عارف مين اللي لازم ينشف حساب بلشت كفاح كملت انتداب امتداد للانسحاب المفكرين وصار اللي كنت كتاب يتجول الجمارك على الجزر الشرطي لابس بوط البوز من شمال لجنوب فلسطين زي خط 90 خليك مخابرات تشيك وفيك مش تبليك وحده بتاكل دبسه وحده الشرطه بتسرق منها العدسه علي نخبز من السياسات المتبسه وصار واضح العساكر خريجي الوم مدرسه وبعرف مين الفاسد كاني محاسب بالحكومه جنود بلاستيك تحمي جنازتك ونصر شعار البومي وطبوا الخيمه وروحوا وحدي على الاذاعه اجى الكرسي قفص اسرع على الساعه ابن البلد صار يشتغل فزاعه مسيره الشعبيه بدون الشعب نزلت على الساحه اصلا مش عارف اذا كنا لسه بدنا نفس الشيء عايدون لحيفا بس حتى بموقف ما تشتريه كله مستقطب من دون طالع باللخبط مستعربين جدد او بلطجيه اذا ضغطت هاي اجت الدوريه السلطه الصهيونيه هاي اجت الدوريه سمو محسومه وبحاجز بس هي هاي اجت الدوريه السلطه الصهيونيه هاي اجت الدوريه سمو محسومه وبحاجز بس هي Thank you. Une excellente pièce donc de Boycott, ça s'écrit B-O-I-K-U-T-T, c'était la pièce Afel Tanakuri, c'était donc, ça nous venait de Ramallah en Palestine, avant ça de la ville de Ypsilanti au Minnesota, c'était Craigzilla avec The Crooked Tree, c'était publié ça sur l'étiquette française Vatican Records. On se dirige cette fois-ci du côté des Pays-Bas. On va entendre Multi-Panel. Je vous fais entendre sa pièce Tuesday. C'est tiré de la compilation The Best of No Source Volume 2. Donc, c'est sur l'étiquette No Source Net Label, une étiquette qui nous vient de Boston. C'était le 72e donc album à être publié sur l'étiquette 72e album en téléchargement gratuit. Donc, No Source, on peut dire que c'est une bonne source de musique gratuite. On écoute tout de suite Multi-Panel. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre une toune assez sympathique de Multi-Panel, un artiste des Pays-Bas. C'était sa pièce Tuesday. C'était sur l'étiquette No Source Net Label. On va changer un peu de registre, cette fois-ci un peu de jazz. C'est un groupe de la République tchèque qui s'appelle Limbo. Je vous fais entendre la pièce Skrunda. C'est sur l'étiquette Signals from Arkheim. C'est donc un enregistrement qui date de 2005. L'album est bon au complet. Je vous invite à le télécharger. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on va entendre la pièce Skrunda. Ensuite de ça, sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom, on va entendre Vintage Beats avec sa pièce Bird. Ça aussi, vraiment excellent. Thank you.

C'était la pièce Mexico par Jimmy P, un artiste de la Slovaquie. C'était sur l'étiquette Block Sonic sur la compilation Volume 45 Old Orchard Avenue. Donc, allez faire un tour sur Block Sonic. Vraiment des compilations vraiment top-notch. Toujours belles pochettes, des formats donc de fichiers en haute qualité. Ça vaut vraiment la peine. Block Sonic, toujours des compilations intéressantes. Avant ça, c'était de l'Italie. C'était Frody avec la pièce Babysitter. C'était sur l'étiquette française Sirona Records. On se déplace du côté de l'Afrique du Sud avec Alche Sound. Je vous fais entendre la pièce 312 AM. Vraiment excellent. C'est sur l'étiquette Bushman Records. Ensuite de ça, c'est de la ville de Santiago au Chili. C'est This Co ou This Company. C'est comme vous voulez. C'est la pièce Petrified. Donc, on écoute ça à Web Music. une excellente pièce qui nous vient de Santiago au Chili. C'était Disco avec la pièce Petrified. Ça va déjà être tout pour Web Musique. J'espère que vous avez apprécié la sélection de la soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission. Nous, on va se quitter sur une dernière pièce. Ça nous vient de la Turquie. C'est Pulaz. C'est la pièce Celestial. C'est sur l'étiquette Bad Panda Records. Pour la suite, c'est Cabaret Diaspora. Ça va être l'émission de la semaine passée, par contre. Petit problème, j'ai pas l'émission de cette semaine, donc restez à l'écoute. Toujours une excellente émission de Jean-Baptiste Hervé. Donc c'est ça, on se quitte avec Pullers, la pièce Celestial. Merci, bonne soirée. Thank you.